Cette planète à chaque coin de rue je tombe sur des types à net, tout comme ces pédophiles qui surfent sur internet à la recherche de gamins de minettes, parce qu'avec leur kickette à l'abri derrière leur déguisement de prêtre ou professeur de lettres. Mais où sont ceux qui inspectent à la recherche de ces mecs, font des choses incorrectes jusqu'à les faire dire je regrette. C'est vrai que c'est infect, comment un type qui se respecte peut faire du mal à ses êtres. Non c'est pas moi je vous jure, j'ai rien fait je vous jure c'est pas moi. Comment prouver que c'est vrai, comment prouver que c'est lui, comment prouver que ton gosse dit la vérité. On dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, mais la plupart du temps, y'a plus de problèmes que de solutions. Et voilà le dilemme, y'a pas de définition, ça y est c'est fini, c'est la condamnation. Mais seulement 10 piges pour une telle action, ce con il recommencera sans inhibition. On peut toujours penser, dire, exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. Dans ce monde dangereux et dangereux, ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. Parmi tant d'autres, je suis qu'un messager à exprimer mes pensées, comme ces apôtres qui essayaient de donner la foi dans ce monde taré. Et si ce que je dis est sensé, c'est qu'en même temps de m'écouter, je veux qu'il te fasse cogiter. Tu lui dis au revoir le matin, mais comment savoir s'il reviendra le soir. Chez, je crèverai pas vieux, on va tous y rester dans ce monde où tout le monde s'est détesté. On est tous égaux, y'a pas un homme qui soit mieux qu'un autre. On chie tous assis, la vie du voisin vaut pas plus que la vôtre. C'est vrai qu'on est des pions, nous dire ce qu'on veut entendre, voilà ce qu'ils font. Est-ce qu'ils enquêtent pour trouver le meurtrier? Et toi tu t'entêtes, putain j'aurais pu l'éviter. Faut arrêter d'espérer, dans ce monde y'a plus de justice. Ranger le rapport au casier, c'est tout ce que fait la police. Alors qui sera la vérité, comment ça s'est vraiment passé? À part un des tiens qui est là-haut, ou bien celui qui l'a... Exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. On peut toujours penser, dire, exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. Tout ça est parti à partir de là où tu vois un être partir. Une envie de vengeance, un cri de haine. Non, c'est celui qui a violé ton gosse pour compenser ta peine. Combien d'âmes sont déjà souillées, mais faut se relever et pas se laisser aller. Redresser la tête, continuer d'avancer. L'attente d'un espoir de voir ce monde changer. À défaut d'y croire, on peut toujours espérer que celui-là se fasse buter ou finisse au trou. Car des mecs comme ça, il y en a déjà beaucoup. Trop dans les rues, en quête de monde perdu. À la sortie des écoles, à attendre qu'un de s'isole. Tu demandes pourquoi, pourquoi à moi, pourquoi j'étais pas là ce jour-là. Arrête de torturer comme ça, reste fort et bats-toi. On peut toujours penser, dire, exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. On peut toujours penser, dire, exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. On peut toujours penser, dire, exprimer ce qu'on veut, mais on est tous des pions dans ce monde dangereux d'un jeu. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu. Mais on est tous des pions dans ce monde dangereux et dangereux. Ce monde où règne le mal, où le diable a remplacé Dieu.